Vronsky et Anna voyageaient ensemble en Europe depuis 3 mois. Ils avaient visité Venise, Rome, Naples et venaient d'arriver dans une petite ville italienne où ils comptaient séjourner quelque temps. Un imposant maître d'hôtel, aux cheveux bien pommadés et séparés par une raie qui partait du cou, en habit noir, large plastron de batiste et breloque se balançant sur un ventre rondelet, répondait dédaigneusement, les mains dans ses poches, aux questions que lui adressait un monsieur. Des pas sur l'escalier de l'autre côté du perron firent retourner le brillant majordome, et lorsqu'il aperçut le comte russe, locataire du plus bel appartement de l'hôtel, il retira respectueusement ses mains de ses poches et prévint le comte en saluant que le courrier était venu annoncer que l'intendant du palais pour lequel on était en négociation consentait à signer le bail. « Très bien, » dit Vronsky. « Madame est-elle à la maison ?»« Madame était sortie, mais elle vient de rentrer, » répondit le maître d'hôtel. Vronsky ôta son chapeau mou à large bord, essuya de son mouchoir son front et ses cheveux rejetés en arrière, qui dissimulaient sa calvitie, puis voulut passer, tout en jetant un regard distrait sur le monsieur arrêté à le contempler. « Monsieur est russe et vous a demandé, » dit le maître d'hôtel. Vronsky se retourna encore une fois, ennuyé à l'idée de ne pouvoir éviter les rencontres et content cependant de trouver une distraction quelconque. Ses yeux et ceux de l'étranger s'illuminèrent. « Golinitchev ! Vronsky !» C'était effectivement Golinitchev, un camarade de Vronsky, au corps des pages. Il y appartenait au parti libéral et en était sorti avec un grade civil sans aucune intention d'entrer au service. Depuis leur sortie du corps, ils ne s'étaient rencontrés qu'une seule fois. Vronsky, lors de cette unique rencontre, avait cru comprendre que son ancien camarade méprisait, du haut de ses opinions extra-libérales, la carrière militaire. Il l'avait en conséquence traité froidement et avec hauteur, ce qui avait laissé Golinitchev indifférent, mais ne leur avait pas donné le désir de se revoir. Et cependant, ce fut avec un cri de joie qu'ils se reconnurent. Peut-être Vronsky ne se douta-t-il pas que la cause du plaisir qu'il avait à retrouver Golinitchev était le profond ennui qu'il éprouvait, mais, oubliant le passé, il lui tendit la main, et l'expression un peu inquiète de la physionomie de Golinitchev fit place à une satisfaction manifeste. « Enchanté de te rencontrer !» dit Vronsky avec un sourire amical qui découvrit ses belles dents. « On m'a dit ton nom, je ne savais pas si c'était toi. Très, très heureux. Mais entre donc, que fais-tu ici ?» « Oh, j'y suis depuis plus d'un an, je travaille. »« Vraiment ?» dit Vronsky avec intérêt. « Entrons donc. » Et selon l'habitude propre aux Russes de parler français quand ils ne veulent pas être compris de leurs domestiques, il dit en français « Tu connais Madame Karénine, nous voyageons ensemble, j'allais chez elle. » Et tout en parlant, il examine la physionomie de Golinitchev. « Ah, je ne savais pas. » « Il le savait parfaitement, » répondit celui-ci avec indifférence. « Y a-t-il longtemps que tu es ici ?»« Oh, depuis 3 jours, » répondit Vronsky, continuant à observer son camarade. « C'est un homme bien élevé qui voit les choses dans leur véritable jour. On peut le présenter à Anna, » se dit-il, interprétant favorablement la façon dont Golinitchev venait de détourner la conversation. Depuis qu'il voyageait avec Anna, Vronsky, à chaque rencontre nouvelle, avait éprouvé le même sentiment d'hésitation. Généralement, les hommes avaient compris la situation comme elle devait être comprise. Il eût été embarrassé de dire ce qu'il entendait par là. Au fond, ces personnes ne cherchaient pas à comprendre et se contentaient d'une tenue discrète, exempte d'allusions et de questions, comme font les gens bien élevés en présence d'une situation délicate et compliquée. Golinitchev était certainement de cela. Et lorsque Vronsky lui présentait Anna, il fut doublement content de l'avoir rencontrée, son attitude étant correcte autant qu'on pouvait le désirer et ne lui coûtant visiblement aucun effort. Golinitchev ne connaissait pas Anna, dont la beauté et la simplicité le frappèrent. Elle rougit en voyant entrer les deux hommes, et cette rougeur enfantine plut infiniment au nouveau venu. Il fut charmé de la façon naturelle dont elle abordait sa situation, appelant Vronsky par son petit nom, et disant qu'ils allaient s'installer dans une maison qu'on décorait du nom de palazzo, de l'air d'une personne qui veut éviter tout malentendu devant un étranger. Golinitchev, qui connaissait Alexis Alexandrovitch, ne put s'empêcher de donner raison à cette femme jeune, vivante et pleine d'énergie. Il admit, ce qu'Anna ne comprenait guère elle-même, qu'elle pût être heureuse et gaie tout en ayant abandonné son mari et son fils et perdu sa bonne renommée. « Ce palazzo est dans le guide, » dit Golinitchev. « Vous y verrez un superbe tintoret de sa dernière manière. »« Faisons une chose. Le temps est superbe, retournons la voir, » dit Vronsky, s'adressant à Anna. « Très volontiers, je vais mettre mon chapeau. Vous dites qu'il fait chaud, » dit-elle sur le pas de la porte, se retournant vers Vronsky et rougissant encore. Vronsky comprit qu'Anna, ne sachant pas au juste qui était Golinitchev, se demandait si elle avait eu avec lui le ton qu'il fallait. Il la regarda longuement, tendrement, répondit « Non, trop chaud ». Anna devina qu'il était satisfait d'elle, et lui répondant par un sourire, sortit de son pas vif et gracieux. Les amis se regardèrent avec un certain embarras. Golinitchev, comme un homme qui voudrait exprimer son admiration sans oser le faire, et Vronsky comme quelqu'un qui désire un compliment et le redoute. « Ainsi, tu t'es fixé ici, » dit Vronsky pour entamer une conversation quelconque. « Tu t'occupes toujours des mêmes études ?»« Oui, j'écris la seconde partie des deux origines, » répondit Golinitchev, tout épanoui à cette question, ou pour être plus exact, « je préfère et j'assemble mes matériaux. Ce sera beaucoup plus vaste que la première partie. On ne veut pas comprendre chez nous en Russie que nous sommes les successeurs de Byzance. » Et il commença une longue dissertation. Vronsky fut confus de ne rien savoir de cet ouvrage dont l'auteur parlait comme d'un livre connu. Puis, à mesure que Golinitchev développait ses idées, il y prit intérêt, quoiqu'il remarqua avec peine l'agitation nerveuse qui s'emparait de son ami. Ses yeux s'animaient en réfutant les arguments de ses adversaires et sa figure prenait une expression irritée, tourmentée. Vronsky se rappela Golinitchev au corps des pages. C'était alors un garçon de petite taille, maigre, vif, bon enfant, plein de sentiments élevés et toujours le premier de sa classe. Mais pourquoi était-il devenu si irritable? Pourquoi surtout, lui, un homme du meilleur monde, se mettait-il sur la même ligne que les écrivailleurs de profession qui le poussaient à bout? En valait-il la peine? Vronsky se prenait presque de compassion pour lui. Golinitchev, plein de son sujet, ne remarqua même pas l'entrée d'Anna. Celle-ci, en toilette de promenade, une ombrelle à la main, s'arrêta près des causeurs et Vronsky fut heureux de s'arracher au regard fixe et fébrile de son interlocuteur pour porter avec amour les yeux sur l'élégante taille de son ami. Golinitchev fut quelque peine à reprendre possession de lui-même, mais Anna sut vite le distraire par sa conversation aimable et enjouée. Elle le mit peu à peu sur le chapitre de la peinture, dont il parla en connaisseur. Ils arrivèrent ainsi à pied jusqu'au palais et le visitèrent. « Une chose m'enchante particulièrement dans notre nouvelle installation, » dit Anne en rentrant, « c'est que tu auras un bel atelier. » Elle tutoyait Vronsky en russe devant Golinitchev, qu'elle considérait comme déjà faisant faire partie de leur intimité dans la solitude où ils vivaient. « Est-ce que tu t'occupes de peinture ?» demanda celui-ci, se tournant avec vivacité vers Vronsky. « J'en ai beaucoup fait autrefois, m'y suis mis un peu remis maintenant, » répondit Vronsky en rougissant. Oh, « il a un véritable talent, » s'écria Anna railleuse. « Je ne suis pas bon juge, mais je le sais par des connaisseurs sérieux. » Cette première période de délivrance morale et de retour à la santé fut pour Anna une époque de joie exubérante. L'idée du mal dont elle était cause ne parvint pas à empoisonner son ivresse. Ne devait-elle pas à ce malheur un bonheur assez grand pour effacer tout remords? Aussi n'y arrêtait-elle pas sa pensée, et les événements qui avaient suivi sa maladie depuis sa réconciliation avec Alexis Alexandrovitch jusqu'à son départ de la maison conjugale lui paraissaient un cauchemar maladif dont son voyage, seul avec Vronsky, l'avait délivré. Pourquoi revenir sur ce terrible souvenir? Après tout, se disait-elle, et ce raisonnement lui donnait un certain calme de conscience, le tort que j'ai causé à cet homme était fatal, inévitable, mais du moins je ne profiterai pas de son malheur. Puisque je le fais souffrir, je souffrirai aussi. Je renonce à tout ce que j'aime, à tout ce que j'apprécie le plus au monde, mon fils et ma réputation. Puisque j'ai péché, je ne mérite ni le bonheur ni le divorce, et j'accepte la honte ainsi que la douleur de la séparation. Anna était sincère en raisonnant de la sorte, mais au fond, jusqu'ici, elle n'avait connu ni cette souffrance ni cette honte qu'elle se croyait prête à subir comme une expiation. Vronsky et elle évitaient tous deux, depuis qu'ils étaient à l'étranger, des rencontres qui auraient pu les placer dans une situation fausse. Les quelques personnes avec lesquelles ils étaient entrés en relation avaient faim de comprendre leur position mieux qu'ils ne la comprenaient eux-mêmes. Quant à la séparation d'avec son fils, Anna n'en souffrait pas encore cruellement. Passionnément attachée à sa petite fille, une enfant ravissante, elle ne pensait que rarement à Serge. Plus elle vivait avec Vronsky, plus il lui devenait cher. Sa présence continuelle était un enchantement toujours nouveau. Chacun des traits de son caractère lui semblait beau. Tout, jusqu'à son changement de tenue, depuis qu'il avait quitté l'uniforme, lui plaisait, comme à une enfant éperdument amoureuse. Chacune de ses paroles, de ses pensées, portait un véritable cachet de grandeur et de noblesse. Elle s'effrayait presque de cette admiration excessive et n'osait la lui avouer, de crainte qu'en lui faisant constater ainsi sa propre infériorité, il ne se détachât d'elle, et rien ne lui semblait terrible comme l'idée de perdre son amour. Cette terreur, du reste, n'était nullement justifiée par la conduite de Vronsky. Jamais il ne témoignait le moindre regret d'avoir sacrifié à sa passion une carrière dans laquelle il eût certainement joué un rôle considérable. Jamais non plus il ne s'était montré aussi respectueux, aussi préoccupé de la crainte qu'Anna souffrit de sa position. Lui, cet homme si absolu, n'avait pas de volonté devant elle et ne cherchait qu'à deviner ses moindres désirs. Comment n'aurait-elle pas été reconnaissante et n'aurait-elle pas senti le prix d'attention aussi constante? Parfois, cependant, elle éprouvait involontairement une certaine lassitude à se trouver l'objet de cette incessante préoccupation. Quant à Vronsky, malgré la réalisation de ses plus chers désirs, il n'était pas pleinement heureux. Éternelle erreur de ceux qui croient trouver leur satisfaction dans l'accomplissement de tous leurs vœux. Il ne possédait que quelques parcelles de cette immense félicité rêvée par lui. Un moment, quand il s'était vu libre de ses actions et de son amour, son bonheur avait été complet. Mais bientôt, une certaine tristesse s'empara de lui. Il chercha, presque sans s'en douter, un nouveau but à ses désirs et prit des caprices passagers pour des aspirations sérieuses. Employé 16 heures de la journée à l'étranger, hors du cercle de devoirs sociaux qui remplissait sa vie à Pétersbourg, n'était pas aisé. Il ne fallait plus penser aux distractions qu'il avait pratiquées dans ses précédents voyages. Un projet de souper avec des amis avait provoqué chez Anna un véritable accès de désespoir. Il ne pouvait pas rechercher les relations russes ou indigènes, et quant aux curiosités du pays, outre qu'il les connaissait déjà, il n'y attachait pas, en qualité de russe et d'homme d'esprit, l'importance excessive d'un anglais. Comme un animal affamé se précipite sur la nourriture qui lui tombe sous la dent, Vronsky se jetait donc inconsciemment sur tout ce qui pouvait lui servir de pâture, politique, peinture, livre nouveau. Il avait dans sa jeunesse montré des dispositions pour la peinture et, ne sachant que faire de son argent, s'était composé une collection de gravures. Ce fut à l'idée de peindre qu'il s'arrêta afin de donner un aliment à son activité. Le goût ne lui manquait pas et il y joignait un don d'imitation qu'il confondait avec des facultés artistiques. Tous les genres lui étaient bons, peinture historique ou religieuse, paysage, il se croyait capable de tout aborder. Il ne recherchait pas l'aspiration directement dans la vie, dans la nature, car il ne comprenait l'une et l'autre qu'entrevues à travers les incarnations de l'art, mais il exécutait assez facilement des pastiches passables. L'école française, dans ses œuvres gracieuses et décoratives, exerçant sur lui une certaine séduction, il commença un portrait d'Anna dans ce goût. Elle portait le costume italien et tous ceux qui virent ce portrait en parurent aussi contents que l'auteur lui-même. Le vieux palazzo, un peu délabré dans lequel ils vinrent s'établir, entretint Vronsky dans une agréable illusion. Il crut avoir subi une métamorphose et s'être transformé d'un propriétaire russe, colonel en retraite, en un amateur éclairé des arts, faisant modestement de la peinture et sacrifiant le monde et ses ambitions à l'amour d'une femme. L'antique palais prêtait à ses chimères, avec ses hauts plafonds peints, ses murs couverts de chiffresques et de mosaïques, ses grands vases sur les cheminées et les consoles, ses épais rideaux jaunes aux fenêtres, ses portes sculptées et ses vastes salles mélancoliques ornées de tableaux. Son nouveau rôle satisfit Vronsky quelque temps. Il fit la connaissance d'un professeur de peinture italien avec lequel il peignit des études d'après nature. Il entreprit en même temps des recherches sur le Moyen-Âge en Italie qui lui inspirèrent un intérêt si vif pour cette époque qu'il finit par porter des chapeaux mous Moyen-Âge et par se draper à l'antique dans son plaid, ce qui du reste lui allait fort bien. « Connais-tu le tableau du Mikhailov ?» dit un matin Vronsky à Golinitchev qui entrait chez lui, et il lui tendit un journal russe contenant un article sur cet artiste qui venait d'achever une toile déjà célèbre et vendue avant d'être terminée. Il vivait dans cette même ville, dénué de secours et d'encouragement. L'article blâmait sévèrement le gouvernement et l'Académie d'abandonner ainsi un artiste de talent. « Oh, je le connais, » répondit Golinitchev. « Il ne manque certainement pas de mérite, mais ses tendances sont absolument fausses. Ce sont toujours ces conceptions du Christ et de la vie religieuse à la façon d'Ivanov, Strauss, Renan. Et quel est le sujet du tableau ? Demanda Anna. Le Christ devant Pilate. Le Christ est un juif de la nouvelle école réaliste la plus pure. Et cette question touchant un de ses sujets favoris, Golinitchev continua à développer ses idées. Je ne comprends pas qu'il puisse tomber dans une erreur aussi grossière. Le type du Christ a été bien défini dans l'art par les maîtres anciens. S'ils éprouvent le besoin de représenter un sage ou un révolutionnaire, mais que le prennent-ils Socrate, Franklin, Charlotte Corday, enfin, tous ceux qu'ils voudront, mais pas le Christ. C'est le seul auquel l'art ne doit pas oser toucher, et... Est-il vrai que ce Mikhaïlitch soit dans la misère ? Demanda Vronsky, qui pensait qu'en qualité de mécène, il devait songer à aider l'artiste sans trop se préoccuper de la valeur de son tableau. « Ne pourrions-nous lui demander de faire le portrait d'Anna Arkadievna ?»« Pourquoi le mien ?» répondit celle-ci. « Après le tien, je n'en veux pas d'autre. Faisons plutôt celui d'Annie, elle nommait ainsi sa fille, ou celui-là » ajouta-t-elle, désignant la belle nourrice italienne qui venait de descendre l'enfant au jardin et jetait un regard furtif du côté de Vronsky. Cette Italienne dont Vronsky admirait la beauté et le type Moyen-Âge et dont il avait peint la tête était le seul point noir dans la vie d'Anna. Elle craignait d'en être jalouse et se montrait d'autant meilleure pour cette femme et son petit garçon. Vronsky regarda aussi par la fenêtre, puis rencontrant les yeux d'Anna, il se tourna vers Golinitchev. « Tu connais ce Mikhaïlov ?»« Oh, je l'ai rencontré. C'est un original, sans aucune éducation. Un de ces nouveaux sauvages, comme on en voit souvent maintenant. Vous savez, ces libres penseurs qui versent d'emblée dans l'athéisme, le matérialisme, la négation de tout. Autrefois, continua Golinitchev, sans laisser Vronsky et Anna placer un mot. Autrefois, le libre penseur était un homme élevé dans des idées religieuses, morales, n'ignorant pas les lois qui régissent la société et arrivant à la liberté de la pensée après bien des luttes. Mais nous possédons maintenant un nouveau type, les libres penseurs qui grandissent sans avoir jamais entendu parler des lois de la morale ni de la religion, qui ignore que certaines autorités puissent exister et qui ne possède que le sentiment de la négation, en un mot, des sauvages. Mikhaïlov est de cela. Fils d'un maître d'hôtel de Moscou, il n'a reçu aucune éducation. Entré à l'académie avec une certaine réputation, il a voulu s'instruire car il n'est pas sot et dans ce but s'est adressé à la source de toute science, les journaux et les revues. Dans le bon vieux temps, si un homme, enfin disons un Français, avait l'intention de s'instruire, que faisait-il ? Il étudiait les classiques, les prédicateurs, les poètes tragiques, les historiens, les philosophes. Et vous comprenez tout le travail intellectuel qui en résultait pour lui. Mais chez nous, c'est bien plus simple. On s'adresse à la littérature négative et l'on s'assimile très facilement un extrait de cette science-là. Et encore, il y a 20 ans, cette même littérature portait des traces de la lutte contre les autorités et traditions séculaires du passé, et ces traces de lutte enseignaient encore l'existence de ces choses-là. Et maintenant, on ne se donne même plus la peine de combattre le passé, on se contente des mots. Sélection, évolution, lutte pour l'existence, néant. Cela suffit à tout. Dans mon article, savez-vous ce qu'il faut faire ? Dit Anna Coupancourt résolument au verbiage de Golinitchev, après avoir échangé un regard avec Vronsky. Allons voir votre peintre. Golinitchev y consentit volontiers. Et l'atelier de l'artiste se trouva dans un quartier éloigné, ils s'y firent mener en voiture. Une heure plus tard, Anna, Golinitchev et Vronsky arrivaient en calèche devant une maison neuve et laide. Les visiteurs envoyèrent leur carte à Mikhailov avec prière d'être admis à voir son tableau. Mikhailov était au travail, comme toujours, quand on lui remit les cartes du comte Vronsky et de Golinitchev. La matinée s'était passée à peindre dans son atelier, mais en rentrant chez lui, il s'était mis en colère contre sa femme qui n'avait pas su s'arranger avec une propriétaire exigeante. « Je t'ai dit 20 fois de ne pas entrer en discussion avec elle. T'es une sotte achevée, mais tu l'es triplement quand tu te lances dans des explications italiennes. Mais pourquoi songes-tu pas aux arriérés? C'est pas ma faute à moi. Si j'avais de l'argent... « Laisse-moi la paix au nom du ciel !» cria Mikhailov, la voix pleine de larmes, et il se retira dans sa chambre de travail, séparé par une cloison de la pièce commune, enferma la porte à clé et se boucha les oreilles. « Elle n'a pas le sens commun !» se dit-il, s'asseyant à sa table et se mettant avec ardeur à la tâche. Jamais il ne faisait de meilleure besogne que lorsque l'argent manquait, et surtout lorsqu'il venait de se quereller avec sa femme. Il avait commencé l'esquisse d'un homme en proie à un accès de colère. Ne la retrouvant pas, il rentra chez sa femme, l'air bourru, sans la regarder, et demanda à l'aîné des enfants le dessin qu'il leur avait donné. Après bien des recherches, on le trouva, sali, couvert de taches de bougie. Il l'emporta tel quel, le plaça sur sa table, l'examina à distance en fermant à demi les yeux, puis sourit avec un geste satisfait. « c'est ça !» murmura-t-il, prenant un crayon et dessinant rapidement. Une des taches de bougie donnait à son esquisse un aspect nouveau. Tout en crayonnant, il se souvint du menton proéminent de l'homme auquel il achetait des cigares, et aussitôt... son dessin prit cette même physionomie énergique et accentuée, et l'esquisse cessa d'être une chose vague, morte, pour s'animer et devenir vivante. Il en rit de plaisir. Comme il achevait soigneusement son dessin, on lui apporta les deux cartes. « Oh, j'y vais à l'instant !» répondit-il. Puis il rentra chez sa femme. « Voyons, Sacha, ne sois pas fâché, » dit-il avec un sourire tendre et en même temps craintif. « T'as eu tort, oh, j'ai eu tort aussi, j'arrangerai les choses. » Et réconcilié avec sa femme, il endossa un paletot olive à collet de velours, prit son chapeau et se rendit à l'atelier, vivement préoccupé de la visite de ces grands versages russes, venus en calèche pour voir son atelier. Au fond, son opinion sur le tableau qui s'y trouvait exposé se résumait ainsi. Personne n'était capable d'en produire un pareil. Ce n'est pas qu'il le crût supérieur au Raphaël, mais il était sûr d'y avoir mis tout ce qu'il voulait y mettre et défiait les autres d'en faire autant. Cependant, malgré cette conviction qui datait pour lui du jour où l'œuvre avait été commencée, il attachait une importance extrême au jugement du public, et l'attente de ce jugement l'émouvait jusqu'au fond de l'âme. Il attribuait à ses critiques une profondeur de vue qu'il ne possédait pas lui-même, et s'attendait à leur voir découvrir dans son tableau des côtés neufs qu'il n'y avait pas encore remarqués. Tout en avançant à grandes enjambées, il fut frappé, malgré ses préoccupations, de l'apparition d'Anna, doucement éclairée, debout dans l'ombre du portail, causant avec Golinitchev et regardant approcher l'artiste qu'elle cherchait à examiner de loin. Celui-ci, sans même en avoir conscience, enfouit aussitôt cette impression dans quelque coin de son cerveau pour s'en servir un jour comme du menton de son marchand de cigares. Les visiteurs, déjà désenchantés sur le compte de Mikhailov par les récits de Golinitchev, le furent plus encore par l'extérieur du peintre. De taille moyenne et trapue, Mikhaïlov, avec sa démarche agitée, son chapeau marron, son paletot olive et son pantalon étroit démodé, produisait une impression que la vulgarité de sa longue figure et le mélange de timidité et de prétention à la dignité qui s'y peignait ne contribuaient pas à rendre favorable. « Faites-moi l'honneur d'entrer, » dit-il, cherchant à prendre un air indifférent, tandis qu'il introduisait ses visiteurs et leur ouvrait la porte de l'atelier. À peine entré, Mikhaïlov jeta un nouveau coup d'œil sur ses hôtes. La tête de Vronsky, aux pommettes légèrement saillantes, se grava instantanément dans son imagination, car le sens artistique de cet homme travaillait en dépit de son trouble et amassait sans cesse des matériaux. Ses observations fines et justes s'appuyaient sur d'imperceptibles indices. Celui-ci, Golinitchev, devait être un Russe fixé en Italie. Mikhaïlov ne savait ni son nom ni l'endroit où il l'avait rencontré, encore moins s'il lui avait jamais parlé, mais il se rappelait sa figure comme toutes celles qu'il voyait et se souvenait de l'avoir déjà classée dans l'immense catégorie des physionomies pauvres d'expression, malgré leur faux air d'originalité. Un front très découvert et beaucoup de cheveux par derrière donnaient à cette tête une individualité purement apparente, tandis qu'une expression d'agitation puérile se concentrait dans l'étroit espace qui séparait les deux yeux. Vronsky et Anna devaient, selon Mikhaïlov, être des Russes de distinction, riches et ignorant des choses de l'art, comme tous les Russes riches qui jouent à l'amateur et au connaisseur. Ils ont certainement visité les galeries anciennes, et après avoir parcouru les ateliers des charlatans allemands et des imbéciles pré-raphaélistes anglais, il me faut l'honneur d'une visite pour compléter leur tournée, pensa-t-il. La façon dont les dilettantes examinent les ateliers des peintres modernes lui était bien connue. Il savait que leur seul but est de pouvoir dire que l'art moderne prouve l'incontestable supériorité de l'art ancien. Il s'attendait à tout cela et le lisait dans l'indifférence avec laquelle ses visiteurs causaient entre eux en se promenant dans l'atelier et regardaient à loisir les bustes et les mannequins tandis que le peintre découvrait son tableau. Mais, malgré cette prévention et l'intime conviction que des Russes riches et de haute naissance ne pouvaient être que des imbéciles et des sots, il déroulait des études, levait les stores et dévoilait d'une main troublée son tableau. « Voici, » dit-il, s'éloignant du tableau et le désignant du geste au spectateur, « C'est le Christ devant Pilate. » Matthieu, chapitre 27. Il sentit ses lèvres trembler d'émotion et se recula pour se placer derrière ses hôtes. Pendant les quelques secondes de silence qui suivirent, Mikhaïlov regarda son tableau d'un œil indifférent, comme s'il eût été l'un des visiteurs. Malgré lui, il attendait un jugement supérieur, une sentence infaillible de ces trois personnes qu'il venait de mépriser l'instant d'avant. Oubliant sa propre opinion, aussi bien que les mérites incontestables qu'il reconnaissait à son œuvre depuis 3 ans, il la voyait du regard froid et critique d'un étranger et n'y trouvait plus rien de bon. Combien les phrases poliment hypocrites qu'il avait entendues seraient méritées, et combien ses hôtes auraient raison de le plaindre et de se moquer de lui une fois sorti. Ce silence, qui ne dura cependant pas au-delà d'une minute, lui parut d'une longueur intolérable, et pour l'abréger et dissimuler son trouble, il fit l'effort d'adresser la parole à Golinitchev. « Je crois avoir eu l'honneur de vous rencontrer, » dit-il, jetant des regards inquiets, tantôt sur Anna, tantôt sur Vronsky, pour ne rien perdre du jeu de leur physionomie. Certainement, nous nous sommes rencontrés chez Rossi, le soir où cette demoiselle italienne, la nouvelle Rachel, a déclamé. Vous en souvient-il ? Répondit légèrement Golinitchef, détournant ses regards sans le moindre regret apparent. Il remarqua cependant que Mikhailov attendait une appréciation et ajouta « Votre œuvre a beaucoup progressé depuis la dernière fois que je l'ai vue. Et maintenant comme à l'heure, je suis très frappé de votre Pilate. C'est bien là un homme bon, faible, tchinovnik jusqu'au fond de l'âme, qui ignore absolument la portée de son action. Mais il me semble... » Le visage mobile de Mikhailov s'éclaircit. Ses yeux brillèrent. Il voulut répondre, mais l'émotion l'en empêcha et il feignit un accès de toux. Cette observation de détail, juste, mais de nulle valeur pour lui, puisqu'il tenait en mince estime l'instinct artistique de Golinitchev, le remplissait de joie. Du coup, il se prit d'affection pour son hôte et passa subitement de l'abattement à l'enthousiasme. Soudain, son tableau retrouva pour lui sa vie si complexe et si profonde. Vronsky et Anna causaient à voix basse, comme on le fait aux expositions de peinture, pour ne pas risquer de froisser l'auteur, et surtout pour ne pas laisser entendre une de ces remarques si facilement absurdes lorsqu'on parle d'art. Mikhailov crut à une impression favorable sur son tableau et se rapprocha d'eux. Quelle admirable expression à ce Christ, dit Anna, pensant que cet éloge ne pouvait être qu'agréable à l'artiste, puisque le Christ formait le personnage principal du tableau. Elle ajouta, on sent qu'il a pitié de Pilate. C'était encore une des mille remarques justes et banales qu'on pouvait faire. La tête du Christ devait exprimer la résignation à la mort, le sentiment d'un profond désenchantement, d'une paix surnaturelle, d'un sublime amour, par conséquent aussi la pitié pour ses ennemis. Pilate le tchinovnik devait forcément représenter la vie charnelle par opposition au Christ type de la vie spirituelle et par conséquent avoir l'aspect d'un vulgaire fonctionnaire. Mais le visage de Mikhailov s'épanouit néanmoins. Et comme c'est peint, quel air autour de cette figure! On en pourrait faire le tour, dit Golinitchev, voulant montrer par cette observation qu'il n'approuvait pas le côté réaliste du Christ. Oui, c'est une œuvre magistrale, dit Vronsky. Quel relief dans ces figures du second plan! Voilà de l'habileté de main, ajouta-t-il, se tournant vers Golinitchev et faisant allusion à une discussion dans laquelle il s'était avoué découragé par les difficultés pratiques de l'art. Mais c'est tout à fait remarquable, dirent Golinitchev et Anna. Mais la dernière observation de Vronsky piqua Mikhailov. Il fronça le sourcil et regarda Vronsky d'un air mécontent. Il ne comprenait pas bien le mot habileté. Souvent, il avait remarqué, même dans les éloges qu'on lui adressait, qu'on opposait cette habileté technique au mérite intrinsèque de l'œuvre, comme s'il eût été possible de peindre une mauvaise composition avec talent. La seule remarque que j'oserais faire, si vous me le permettez, dit Golinitchev. Faites-la de grâce, répondit Mikhailov, souriant sans gaieté. C'est que vous avez peint un homme Dieu et non le Dieu fait homme. Du reste, je sais que c'était là votre intention. Je ne puis peindre le Christ que tel que je le comprends, dit Mikhailov d'un air sombre. Dans ce cas, excusez un point de vue qui m'est particulier. Votre tableau est si beau que cette observation ne saurait lui faire du tort. Prenons Ivanov, par exemple. Pourquoi ramène-t-il le Christ aux proportions d'une figure historique? Il ferait aussi bien de choisir un thème nouveau, moins rebattu. Mais si ce thème-là est le plus grand de tous les tous pour l'art, en cherchant, on trouvera bien autre chose. L'art, selon moi, ne souffre pas de la discussion. Or, cette question se pose devant le tableau d'Ivanov. Est-ce un dieu? Et l'unité de l'impression se trouve ainsi détruite. Pourquoi cela? Il me semble que cette question ne peut plus se poser pour des hommes éclairés, répondit Mikhailov. Golenichev n'était pas de cet avis, et, fort de son idée, battit le peintre dans une discussion où celui-ci ne sut pas se défendre. Anna et Vronsky, regrettant le bavardage savant de leur ami, échangeaient des regards ennuyés. Ils prirent enfin le parti de continuer seuls la visite de l'atelier et s'arrêtèrent devant un petit tableau. « Oh, quel bijou, c'est charmant !» dirent-ils tous deux d'une même voix. « Qu'est-ce qui leur plaît tant ?» pensa Mikhailov. Il avait complètement oublié ce tableau fait depuis 3 ans. Une fois une toile achevée, il ne la regardait plus volontiers et n'avait exposé celle-ci que parce qu'un Anglais désirait l'acheter. « Bon, je n'ai rien, une ancienne étude, » dit-il. « Mais c'est excellent !» reprit Golenichev, subissant très sincèrement le charme du tableau. Deux enfants pêchaient à la ligne à l'ombre d'un cytis. L'aîné, tout absorbé, retirait prudemment sa ligne de l'eau. Le plus jeune, couché dans l'herbe, appuyait sur son bras sa tête blonde ébouriffée en regardant l'eau de ses grands yeux pensifs. À quoi pensait-il? L'enthousiasme produit par cette étude ramena un peu Mikhailov à sa première émotion, mais il redoutait les vaines réminiscences du passé et voulut conduire ses hôtes vers un troisième tableau. Vronsky lui déplut en demandant si l'étude était à vendre. Cette question d'argent lui parut inopportune et il répondit en fronçant les sourcils « Il est exposé pour la vente. » Les visiteurs partis, Mikhailov s'assit devant son tableau du Christ et de Pilate et repassa mentalement tout ce qui avait été dit et sous-entendu par eux. Chose étrange, les observations qui semblaient avoir tant de poids en leur présence et quand lui-même se mettait à leur point de vue, perdaient maintenant toute signification. En examinant son œuvre de son regard d'artiste, il rentra dans la pleine conviction de sa perfection et de sa haute valeur, et revint par conséquent à la disposition d'esprit nécessaire pour continuer son travail. La jambe du Christ en raccourci avait cependant un défaut. Il saisit sa palette, et tout en corrigeant cette jambe, regarda sur le second plan la tête de Jean, qu'il considérait comme le dernier mot de la perfection et que les visiteurs n'avaient même pas remarqué. Il essaya d'y toucher aussi, mais pour bien travailler, il devait être moins ému et trouver un juste milieu entre la froideur et l'exaltation. Pour le moment, l'agitation l'emportait. Il voulut couvrir son tableau, s'arrêta, soulevant la draperie d'une main et sourit avec extase à son Saint-Jean. Enfin, s'arrachant à grand-peine à sa contemplation, il laissa retomber le rideau et retourna chez lui, fatigué mais heureux. Vronsky, Anna et Golenichev rentrèrent gaiement au palazzo, causant de Mikhailov et de ses tableaux. Le mot « talent » revenait souvent dans leur conversation. Ils entendaient par là non seulement un don inné, presque physique, indépendant de l'esprit et du cœur, mais quelque chose de plus étendu dont le sens vrai leur échappait. « Du talent, disait-il, certes, il en a, mais ce talent n'est pas suffisamment développé, faute de culture intellectuelle. » Défaut propre à tous les artistes russes. Vronsky acheta le petit tableau et décida même Mikhailov à faire le portrait d'Anna. L'artisan vint toujours indiquer et commença une esquisse qui, dès la cinquième séance, frappa Vronsky par sa ressemblance et par un sentiment très fin de la beauté du modèle. « Je lutte depuis si longtemps sans parvenir à rien, » disait Vronsky en parlant de son portrait d'Anna, « et lui n'a qu'à le regarder pour la bien prendre. Voilà ce que j'appelle savoir son métier. » « Oh, cela viendra avec la pratique, » disait Golinitchev pour le consoler. Car à ses yeux, Vronsky avait du talent et possédait d'ailleurs une instruction qui devait élever en lui le sentiment de l'art. Au reste, les convictions de Golinitchev étaient corroborées par le besoin qu'il avait des éloges et de la sympathie de Vronsky pour ses propres travaux. C'était un échange de bas procédés. Mikhaïlov, hors de son atelier, paraissait un autre homme. Au palazzo, surtout, il se montra respectueux, avec affectation, soigneux d'éviter toute intimité avec des gens qu'au fond il n'estimait plus. Il n'appelait Vronsky que « Votre Excellence », et malgré les invitations réitérées d'Anna, n'accepta jamais à dîner et ne se montra qu'aux heures des séances. Anna fut plus aimable pour lui que pour d'autres. Vronsky le traita avec une politesse exquise et désira avoir son opinion sur ses tableaux. Golinitchev ne négligea aucune occasion de lui inculquer des idées saines sur l'art. Mikhaïlov ne resta pas moins froid. Anna sentait cependant qu'il la regardait volontiers, quoiqu'il évitât toute conversation. Quant au conseil demandé par Vronsky, il se retrancha dans un silence obstiné, regarda les tableaux sans mot dire et ne cacha pas l'ennui que lui causaient les discours de Golinitchev. Cette sourde hostilité produisit une pénible impression et l'on se trouva mutuellement soulagé lorsque les séances terminées, Mikhaïlov cessa de venir au palazzo, laissant en souvenir de lui un admirable portrait. Golinitchev fut le premier à exprimer l'idée que le peintre était envieux de Vronsky. « Ce qui le rend furieux, c'est de voir un homme riche, haut placé, compte par-dessus le marché, ce qui le vexe toujours, arriver sans se donner grand-peine à faire aussi bien, peut-être mieux que lui. Il a consacré sa vie à la peinture, mais vous, vous possédez une culture d'esprit à laquelle des gens comme Mikhaïlov n'arriveront jamais. » Vronsky, tout en prenant le parti du peintre, donnait au fond raison à son ami, car dans sa conviction intime, il trouvait très naturel qu'un homme, dans une situation inférieure, lui portât envie. Les deux portraits d'Anna auraient dû l'éclairer et lui montrer la différence qui existait entre Mikhaïlov et lui. Il la comprit assez pour renoncer au sien en le déclarant superflu, et se contenter de son tableau Moyen-Âge, dont il était aussi satisfait que Golinitchev et Anna, parce qu'il ressemblait beaucoup plus que tout ce que faisait Mikhaïlov à un tableau ancien. L'artiste, de son côté, malgré l'attrait que le portrait d'Anna avait eu pour lui, fut heureux d'être délivré des discours de Golinitchev et des œuvres de Vronsky. On ne pouvait certes pas empêcher celui-ci de s'amuser, les dilettantes ayant malheureusement le droit de peindre ce que bon leur semble. Mais ils souffraient de ce passe-temps d'amateur. Nul ne peut défendre à un homme de se pétrir une poupée de cire et de l'embrasser, mais qu'il n'aille pas la caresser devant deux amoureux. La peinture de Vronsky lui produisait un effet d'insuffisance analogue. Elle le blessait, le froissait. Il la trouvait ridicule et pitoyable. L'engouement de Vronsky pour la peinture et le Moyen-Âge fut du reste de courte durée. Il eut assez d'instinct artistique pour ne pas achever son tableau et reconnaître, tristement, que les défauts peu apparents au début devenaient criants à mesure qu'il s'avançait, et il était dans le cas de Golinitchev qui, tout en sentant le vide de son esprit, se nourrissaient volontairement d'illusions et s'imaginaient mûrir ses idées et assembler des matériaux. Mais là où celui-ci s'aigrissait et s'irritait, Vronsky restait parfaitement calme. Incapable de se tromper lui-même, il abandonna simplement la peinture, avec sa décision de caractère habituelle, sans chercher ni à se justifier ni à s'expliquer. Mais la vie sans occupation devint vite intolérable dans cette petite ville. Le palazzo lui parut tout à coup vieux et sale. Les taches des rideaux prirent un aspect sordide. Les fentes dans les mosaïques, les écaillures des corniches, l'éternel Golinitchev, le professeur italien et le voyageur allemand devinrent tous interminablement ennuyeux, et Vronsky sentit l'impérieux besoin de changer d'existence. Anna fut étonnée de ce prompt désenchantement, mais consentit bien volontiers à retourner en Russie, habiter la campagne. Vronsky voulait passer par Pétersbourg pour y conclure un acte de partage avec son frère et Anna pour y voir son fils. L'été devait se passer pour eux dans la grande terre patrimoniale de Vronsky.